c'est vrai quand je marche. Je t'avoue que je traîne les pieds, je taffe mal, je vis bien mais sur ma route. Moi je laisse des pièges, j'aimerais revoir mes potes, mais je crois que l'amour rend aveugle. J'ai beaucoup de secrets, beaucoup de mensonges et beaucoup d'aveux. Moi j'ai fait beaucoup de promesses que j'ai pas tenues et je m'excuse. Comment tu veux aller de l'avant vers une vie quand t'es exclu? J'essaie de demander pardon à tous ceux qui ont souffert ou à tous ceux qui sont partis et que sur leurs bougies n'ont pas soufflé. J'aimerais dire stop à ce monde qui tourne pas vraiment rond. Tu veux voir la vie en rose alors que moi je me vois marron. C'est pas si marrant, faut savoir qu'il faut pas se laisser faire. Moi j'ai vu la main d'un ange, j'ai confondu avec Lucifer. Moi je prends personne de haut car je t'avoue que je me fais tout petit. J'essaie de faire tourner mes sons un peu comme avec une toupie. On dit que j'ai trop de toupets et tu m'aimes un loupard. Mais faut savoir que j'achète pas mes amis et que je loue pas. You promised me it would last forever. You said there's no way it could die. Everything you ever told me was a bunch of lies. Toute manière, j'ai mal au cœur. Quand la vie me frappe, quand le vide tape à ma porte pour que tout le monde parte. J'en ai des amis, mais combien m'apprécient vraiment? J'aimerais plaire, mais qui ne voudrait pas? C'est vrai, non, moi je veux juste être stable en amour et droit en amitié. Pourquoi être comme tout le monde quand tu sais que ta vie te plaît? Tous les soirs, je regarde le ciel et je pense beaucoup à elle. Au bord d'une piscine, dans la tente, ou pourquoi pas le corps à l'air? J'ai pas besoin de paillettes pour briller auprès des gens. Peut-être trop négligenté, mais je rêverais d'être une légende. Quand on aime, on compte pas, voilà pourquoi. Je sais pas où j'en suis, moi je suis blanc, mais quand je la vois, t'avoue être où j'en suis. Je suis pas trop beau gosse, mais j'espère avoir mon charme. Tu peux trouver la rose de ta vie, mais sache qu'un jour elle fane. Moi j'ai cette femme en tête et t'avoue qu'elle ment beaucoup. Pourtant là-bas on me disait t'inquiète, vous faites un beau coup. You promised me it would last forever. You said there's no way it could die. Everything you ever told me was a bunch of lies. Des fois je me dis que la vie doit être vécue, donc faut profiter tout dans la tête, dans la télé, à regarder les pros fighter. Moi je suis jeune, j'ai encore beaucoup de choses à connaître. Ceux qui se mettent à cogner ou trop jeunes qui se mettent au cognac. Les connards qui font les grands pas, qu'ils sont pas tout seuls. Regret pour tous les gens qui ont dû passer par le pasteur. Moi le courant passe bien avec tout le monde, mais ça pique, message d'elle, le cœur qui boit. Chez ce qu'elle dit, c'est ça le pire. Tout de suite le salto, car avec elle je pourrais faire des acrobaties. Souvent elle lève les yeux pensifs et accro de la zip. Chez moi le temps passe vite, pourtant je m'éclate pas trop. J'écoute ce qu'on me dit car je me dis que c'est pas moi le patron. Comment sourire quand t'es triste, quand t'as de la peine et de la rage? Moi si je vois un homme tourner autour d'elle, moi je l'arrache. Je suis protecteur mais je suis aussi très solitaire. Mais je me déplacerai quand il faut car je suis très solidaire.